ne pas faire quelque chose que vous avez fait, vous en payez les pots cassés aujourd'hui, ou pour naître ailleurs. C'est probablement arrivé quelquefois dans la vie de plusieurs personnes qu'ils ont justement, si je pouvais ne pas avoir fait ceci, ou si je pouvais ne pas avoir fait cela, ou j'aurais donc dû faire ceci. C'est arrivé, ça. Mais c'est arrivé, imaginez-vous bien, à Napoléon, le 16 septembre. Dans le calendrier aujourd'hui, évidemment. C'est arrivé aussi à Jules César, c'est arrivé à Kubilai Khan, une fois sur un monticule de sable. Et c'est arrivé à Nefertiti, c'est arrivé aussi à Akhenaton. C'est arrivé à Moïse, c'est arrivé à bien d'autres. Mais c'est aussi arrivé à Daniel. Et c'est aussi arrivé un jour à Annie. Et c'est arrivé en 28 octobre de l'an 2147. Et là, elle s'est dit, si je pouvais changer quelque chose que j'ai fait v'là quelques centaines d'années, ça réglerait aujourd'hui tout un maudit paquet de problèmes. Alors, à un moment donné, de ce futur, on regarde, il y a des individus, hommes, femmes, mais la majorité de ces individus-là, ça se trouve présentement, ce sont des garçons-filles, on va dire dans le langage du 20e siècle. Ils ont la majorité entre 8 ans et 16 ans. Et plusieurs se sont justement dit, si je pouvais les changer, passer. Et 8 ans, 16 ans d'apparence. Bon. Et à un moment donné, bien, ces personnes-là vont être capables de partir la compréhension de différentes mécaniques, de voyager sur les ailes du temps et essayer de retrouver quelque part dans le passé un ancêtre, un vieux schnock, un pépé et une mémé de 8 ans, de 10 ans, de 25 ans, de 33 ans, de 45 ans, de 62 ans, et essayer par certaines structures de venir leur expliquer ce qu'ils, elles, devraient faire, ce qu'ils, elles, ne devraient pas faire. Cette mécanique, elle existe depuis tout le temps. Tout le temps. Le temps existe tout en même temps. Et ça, ça fait en sorte que de temps en temps, dans votre tête, dans sa tête, dans sa tête de Ninotte, c'est un petit oiseau. Et. c'est ça. Et puis. Très gentil d'ailleurs. C'est ce que toi-même tu te dis. Et alors, de temps en temps, elle a la possibilité, à travers des mécaniques que je vais vous expliquer, de venir dans la petite tête et de lui dire « Cesse de faire ceci » ou « Fais ça ». Et elle se dit en dedans, elle se dit, elle entend se dire « Cesse de faire ça, fais ça ». Puis là, elle va dire plus tard « J'aurais donc dû m'écouter ». Ouais. Ah, c'est pas ce qu'elle dit, là. Mais elle aurait fait mieux de s'écouter. Elle a raison quand même. Oui, mais de s'écouter, mais si elle ne s'est pas écoutée, c'est parce que la personne qui domine la vie dans le temps actuel n'est pas celle qui parle. Et c'est ça, j'allais dire. Il y a deux mécaniques qui font ça comme ça, là. Oh oui. Alors, Annie, 8 ans, par un voyage qu'on appelle voyage séraphique, on ira là-dessus, vient la rejoindre aujourd'hui, vient lui dire ce qu'elle devrait faire. Cesse de manger ça, torieux. Puis elle, ben, elle repousse la voix. Puis peut-être qu'à 25 ans, elle se dit, ou à 30 ans, elle va se dire, tu sais, si je m'étais écouté tout le long de ma vie, ça serait différent, mon Dieu, aujourd'hui. Pourquoi ne s'est-elle pas écoutée? La religion va dire, il y a la petite voix, la bonne volonté, et il y a le diable. La morale va amener l'idée de l'inconscient, du subconscient, du conscient, du supraconscient. Mettez-en. Elle devrait s'écouter. Si je m'étais écouté. Si vous observez la quantité de fois où vous vous êtes parlé, où vous vous êtes dit ce que vous deviez faire, et quelque part, quand je dis souvent aux personnes, vous savez tout ce que vous avez à faire. La problématique, c'est que vous ne voulez pas vous écouter. Mais il faut comprendre l'idée. Quand je dis que vous le savez, oui. Mais vous le savez grâce à une mécanique. Cette mécanique s'appelle le temps. Le temps. Nous sommes 1994. 94. Moi, j'ai hâte. Mais vous êtes en quelle année? Vous êtes tous ici. Vous êtes tous en l'an 1000. Vous êtes tous en l'an 2800. Une chose est certaine, c'est que vos structures corporelles, vos structures endocriniennes, vos corps physiques, vos structures psycho-émotives, votre corps astral, votre corps mental, votre corps vital, a la capacité de supporter une certaine forme de concept créationnel, une certaine forme de concept du cosmos, une forme de cosmologie. Une certaine forme, pas plus. Et cette forme-là, elle va supporter, elle va être supportée, dépendamment de vos corps physiques, d'où l'importance d'avoir un corps qui est en santé. On ne parle pas d'un corps d'athlète. Un corps en santé émotive, un corps physiquement pas trop agressé, un corps qui mange relativement bien, un corps qui se repose suffisamment bien, un corps qui rit suffisamment, un corps qui vomit astralement, qui pleure suffisamment. Et il y arrive ceci. En l'an 1000, les corps de chair sont beaucoup plus denses. En l'an 1600, ils sont beaucoup plus subtils qu'en l'an 1000, mais beaucoup plus denses qu'en l'an 1900. Ça veut dire quoi? Et quand je parle de corps de chair, je ne parle pas de... Bon, c'est pas mettre une balance pour voir la... Enfin, je parle de masse, je ne parle pas de poids. Et ça fait ceci. Ça fait que pendant longtemps, les individus ont la capacité de comprendre le cosmos sous une forme. Bon, la Terre est le centre de l'univers. Tout tourne autour. Aujourd'hui, en 1994, on sait que c'est vrai. Mais, v'là 1000 ans, on pensait que c'était vrai. On était sûr que c'était vrai. On avait la foi. Puis, il y a eu un moment donné avec Galilée, avec Newton. Puis d'autres, on a subitement été dans une fausse théorie où on s'est dit, la Terre tourne autour du Soleil. Mais aujourd'hui, en 1994, évidemment, c'est rectifié. On sait que la Terre est le centre et que tout tourne autour. Mais là, c'est qui sait ça? Comment, t'as pas lu les dernières sélections du Reader Digest? Je ne sais pas d'où tu tiens l'information, mais elle n'a pas l'air d'être répandue dans la salle. Bon, non, c'est un Reader's Digest de quelle année? 18 août. Quelle année est ton Reader's Digest 2000? Même pas. Prends juste Albert Einstein quand il a remarqué la relativité. Il a simplement découvert que si tu te mets sur la Lune, tu regardes le monde, tout le monde tourne autour de la Lune. Que si tu te mets sur la Terre, tout le monde tourne autour de la Terre. Que si monde... tu te mets sur le Soleil, tout le monde tourne autour du Soleil. Autrement dit, le centre de l'univers, il est partout. Fait que nous sommes le centre de l'univers. Bon. Moi, je suis sûr que si on met tout un petit peu de 100 piastres ensemble, tout le monde, on fabrique un globe terrestre à l'envers, le pôle sud en haut, avec tout écrit comme il faut à l'endroit, puis on vend ça dans l'hémisphère sud, on va faire fortune. C'est la première fois qu'ils vont avoir un globe à l'endroit dans l'hémisphère sud. C'est vrai que c'est... Avec le pôle sud en haut. Canada en bas, mais écrit à l'endroit, là, tu sais. Parce qu'ils vont dire, la Terre est à l'envers. À l'envers par rapport à quoi dans l'univers, mon ami? Mais non, c'est ceux de l'hémisphère nord qui ont fait les premiers globes. Ils ont mis le pôle nord en haut. On en vendra. Tu te seras investi, tu vois. Danse. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va dire à quelqu'un... Quelqu'un se promène et il a juste l'intuition de regarder les plantes puis de trouver que cette plante-là peut peut-être guérir telle maladie, d'observer des choses. Mais l'humain est tellement épais, pas subtil, qu'on va dire immédiatement que c'est le diable possédé. Imaginez, vous pouvez guérir, puis on va vous crucifier. C'est le diable. On va éliminer. 1900, on élimine moins. On y est encore. Début 1900, les savants se sont réunis, ont écrit une lettre au président des États-Unis disant « Investissez plus dans la science. Tout ce qui avait été découvert l'a probablement déjà été. » Début 1900. On a centuplé les découvertes après. Alors, il arrive ceci. Il arrive simplement que tout ce qui se passe actuellement dans le temps que vous appelez le passé, vous êtes structurellement capable de l'absorber. Donc, vous allez avoir une perception beaucoup plus tangible de cette époque de l'existence, alors que ce qui se passe dans le futur dépasse les possibilités psycho-émotives et physiques de l'humain de les supporter. Je prends un être humain, je le fous dans le passé, il va avoir un choc. Il va s'organiser, il va peut-être, il va chialer. Je le fous dans le futur, la majorité vont tout faire pour venir, ils vont se suicider, ils vont se droguer, ils vont capoter, rien à faire. On finit. Dans le passé, vous êtes capable de faire moins parce que vous êtes capable de faire ce que vous faites aujourd'hui. C'est pas évident que dans le futur, vous êtes capable de faire plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, nécessairement, par cette mécanique, les corps physiques de la majorité des personnes de l'année 1994 sont capables de supporter un contact séraphique, qu'on appelle la mémoire, avec des événements qui se passent actuellement dans le temps, avec des événements dans d'autres adresses temporelles, qu'eux appellent le passé, et là, ils sont capables de les supporter, donc, on pourra dire, de s'en rappeler. En réalité, c'est un contact, ils le vivent. Et dépendamment de comment ils veulent vivre, ils peuvent voyager, s'en aller là-dedans. L'humain va dire, oui, mais je ne voyage pas avec mon corps physique. Même dans votre imaginaire, voyagez, même ici, ne voyagez pas avec votre corps physique. Il y en a même qui s'en vont à Québec, qui font la moitié du chemin sans être dans leur corps physique. Mais le corps, il y a un corps physique qui suit quand même. Là-bas aussi. Parce que moi, il y a une chose là-dedans. Il y a un corps physique en 2147 aussi, ben oui, qui existe actuellement. C'est ça, là. Moi, c'est là que ça... C'est... Bon, mais mettons-le en 2143. Même si tu le mets en 2000, j'accroche à ça. Oui, pourquoi? Parce que tu continues à vivre avec l'idée que le futur est quelque chose qui n'existe pas et que le passé est quelque chose qui a existé, donc qui n'existe pas, et que le présent est quelque chose qui existe, alors que le futur, le passé, le présent, c'est la même chose. Ce sont des endroits. Je sais, mais pourtant, je suis assise ici habillée en, oui, en 94. Bon, selon toi, est-ce que le Kremlin, est-ce que le pas une chose plus facile, là, la Tour Eiffel, est-ce qu'elle existe? Oui. Bien, touche-la. Je sais. Ah, tu savais, elle savait que je venais de la voir. Mais je... Oui, mais la Tour Eiffel, est-ce qu'elle existe? Hé, prouvez-moi, la Tour Eiffel, est-ce qu'elle existe? Non, mais c'est vrai, je peux pas te le prouver, ça. Mais tu peux pas me le prouver, mais en plus, tu peux même pas y toucher. C'est tout, la tour Eiffel. Regarde, la tour Eiffel, un gros poteau d'hydro. La tour Eiffel, est-ce qu'elle existe? Oui, mais je touche à mon linge, là. Je touche à cette chaise, là. Oui, oui. Est-ce que tu es là, toi? Oui. Tu te touches comment? Je touche à ton corps. Mais non, je parle de ton corps. Toi, et tu es là. Est-ce que tu es là? Disons à 10 %. Parce que disons, tu... disons. Tout le monde ensemble? À 10 %. Quand vous êtes émotivement, quand vous aimez... Ah, je peux augmenter le pourcentage. Oui, mais si tu touches ça comment? Ben, je touche pas avec mes mains, c'est sûr, mais je touche avec quelque chose, par exemple. Ben, le corps, avec le quoi? Vie. Avec le corps astral, si tu c'est me parles, ça. Avec quand j'ai des émotions, puis tout ça, je touche avec le corps astral. OK, donc, si t'as pas d'émotions, puis j'en ai, ça prouve que j'en ai pas. Vu que tu n'as pas. Mais c'est deux mondes parallèles qui sont reliés, soit, on va dire l'esprit ou l'imaginaire et la matière. Mm-hmm. Bon, ils cohabitent, ils se croisent là, à un moment donné. Mais tu dis, est-ce que le temps existe? Le temps existe instantanément. Bon, est-ce que les lieux existent? Instantanément dans le temps. Bon, mais est-ce que tu es d'accord pour dire que Québec existe? Québec existe autant que Napierville, puis autant que Vladivostok, puis autant que Place, Oulan-Bator. Mais est-ce que tu peux être à tous ces endroits-là en même temps? Ben oui. Mais fais-le. Je vais te dire qu'il le fait. Je suis à plusieurs endroits en même temps. OK, on peut pas. Je ne peux pas constater. Non. Mais... Ah! Merci! Sauf... Avec l'intervieweur de même, ça, c'est une conférencier correct. Non, c'est parce que... Non. Si je ne le fais pas actuellement, c'est parce que présentement, je ne peux pas le faire. Mais la question était, est-ce que ça se peut? Même si ça se peut, ce que tu dis, c'est possible, mais ça se passe pas. Est-ce que... Peux-tu voler un avion? Ben, je peux être un avion qui vole, oui. Fais-le donc. Non, mais je peux te dire, je l'ai déjà fait. Moi aussi, j'ai déjà fait. On s'entend là-dessus. Bon. Non, c'est pas des jeux de mots. Je veux vous compreniez, c'est qu'on accepte des réalités qui sont aussi farfelues que des farfuleteries qui peuvent être réelles. Moi, ce que je veux qu'on comprenne, c'est qu'on doit cesser de contrer, d'amener un argument aussi, un argument de même nature que ce que l'on veut éliminer. Par exemple, ton Dieu est faux. T'as-tu une preuve? Oui, le mien est vrai. Ben, entre toi et moi, comme argument, c'est pas fort. Tous les arguments que l'humain amène pour pouvoir asseoir son illusion sont des arguments qui font partie de ce qu'il rejette. Et c'est avec ça qu'on fonctionne. Moi, ce que je dis, c'est que ce qu'on rejette fait autant partie de la réalité que ce que l'on veut conserver. Puis si on est capable d'absorber ça et de le voir, là, c'est notre niveau de conscience qui change. Mais moi, c'est pas que je le rejette. Mais non, je comprends. C'est que ça rentre pas. Ouais, c'est ça, là. Ça marche pas. Non, puis l'autre chose, c'est que ça me prendrait un intérêt pour voir plus loin. À quoi ça peut... Qu'est-ce que ça peut me donner, comprendre tout ça, là? L'affaire d'être à la même place, ailleurs en même temps, dans le temps, etc. Là, moi... Ailleurs en même temps. Non, mais c'est ça que tu parles. Ce que ça veut dire, ce que je veux... Non, mais dire... j'aimerais savoir à quoi... Qu'est-ce que ça va me donner? À quoi non. ça va servir? Bon, parce que peut-être. Ça va servir à te déniaiser. Ça va servir grosso modo à ça. À te déniaiser. Parce que. À déniaiser dans quel sens? Dans le sens simplement que. Il y a des choses que l'humain veut. Il y a des choses que tu veux faire. Il mm-hmm. y a des choses que tu veux vivre. Ces choses-là ne peuvent pas être vécues ici, dans ce monde-ci. Mais c'est-tu vrai que c'est vécu ailleurs où on se compte des belles choses. C'est ça. Non, ben, ça non, mais ça, là, on vivra, mais... On se compte des belles choses. Comme toi, comme en 2147. Oui, on se compte... Ça me plaît, moi, ça. Oui. Bon. Non, mais t'as pas besoin d'aller loin. Si demain, tu veux faire un voyage, tu veux aller passer une journée de ski, mais c'est pas compliqué, tu le feras demain. C'est possible que ça arrive pas, mais c'est possible que ça arrive. Fait que, non, mais c'est la même chose. On s'enligne vers quelque chose, on le fait ou pas. Mais l'affaire, c'est moi, c'est d'être là en même temps que je suis ici, que là-bas. Non, lui, ce qu'il veut te dire, là, c'est veux-tu te la fermer pour l'instant? Change pas de sujet. C'est ça qu'il veut dire. On y reviendra après. On y reviendra après. Bon, oui, c'est quoi ton problème de temps? C'est toi. L'humain ne peut pas changer. Bon, c'est bien simple, c'est extrêmement simple. Quand on commence à expliquer la théorie de la gravité, quand on commence à expliquer la théorie, par exemple, de la dynamique des fluides, quand on commence à comprendre la thermodynamique, les mécaniques de la thermodynamique, quand on commence à comprendre ces choses-là, on peut maintenant faire un avion-réaction. Alors, c'est évident que si tu veux faire un avion, ben, en attendant là, que tu apprennes les mécaniques de l'écoulement de l'air sur des surfaces, que tu apprennes ces choses-là, ça ne te sert absolument à rien, tu veux faire un avion. Mais quand tu sais que pour faire l'avion, il faut que tu comprennes ça, c'est correct. Oui, mais c'est pas qu'ils n'ont pas découvert ces... Je me fous de savoir comment ils ont ces fait. Ces théories-là... Non, mais ils ont découvert ces théories-là après que l'avion ait volé. Là, ils ont dit, comment ça vole, cette affaire-là? Là, ah, c'est à cause de ça. Et là, on l'a expliqué. Non, ils ont réussi à les faire voler en comprenant les mécaniques. Les premiers volaient 200 pieds, 300 pieds. Il y en a un qui a bouclé le kilomètre. Ouais, mais s'il s'en venait du futur, lui, s'il arrive du futur, là, il en a déjà vu un voler. Ce que je veux que vous compreniez surtout, je ne parle pas d'avion, c'est un exemple que je donnais. Ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il y a des choses que vous aimeriez qui se passent dans vos vies. Il y a des saveurs de vie qu'on va aller chercher. Et ça, ce n'est pas avec l'espoir qu'on va aller chercher. Okay? C'est avec la compréhension des mécaniques. Ce n'est pas avec la philosophie qu'on va aller les chercher, c'est avec la compréhension des mécaniques. Ce n'est pas avec la psychologie. La psychologie est une mécanique qui va régler des problèmes égoïques au 20e siècle, puis dans le temps passé, puis un peu au 21e siècle. Mais ce n'est pas ce qui va te permettre de changer des mécaniques au niveau de ta vie réellement, de changer de monde. Les gens vont dire « je veux changer le monde ». Non, change de monde, c'est facile. Beaucoup plus simple. Bon, j'ai une question. Il faut que tu comprennes les mécaniques. Et pour comprendre les mécaniques au départ, juste pour être capable d'accepter un jour de vivre quelque chose de différent, de nouveau, de neuf, il faut au minimum que tu aies mis suffisamment de semences, donc d'informations au niveau de ton ego, au niveau de tes mémoires, pour que cette information-là serve de tampon pour absorber le choc du neuf. Autrement dit, il faut que tu sois préparé. Est-ce que, je parle, on va dire, personnellement, là, dans ma démarche de conscientisation, est-ce que j'ai vécu des choses qui m'ont permis de comprendre ce que je vivais, ou j'ai compris et ensuite j'ai pu vivre? Et puis là, j'ai eu une ouverture de conscience. Non, toi, je vais t'expliquer ton cas. Ben, c'est... On règle ça, on fait pour tout dans ce cas-là. Assis-toi. Tu vas comprendre pourquoi tu poses ce genre de questions régulières. Toi et moi, on s'est connus, il y a de cela... Belle lurette. On disait à l'époque belle heurette. C'est le matin de bonheur. Non, c'est sérieux. Un peu avant de tirer à quatre épingles. Plusieurs... près de 1000 ans avant, bon. Tirer à quatre épingles, puis les femmes mettaient des foulards, puis quand elles étaient toutes propres, ils l'attachaient avec quatre épingles. Le foulard était tiré à quatre épingles, c'est l'idée. Bon. On s'est connus. Moi, j'ai une conscience qui est différente de la tienne. Et ça s'adonne, hélas, que toi, tu t'es... Alors, t'es venu te mêler de ce qui te regardait pas trop. Puis là, t'as rien compris. Puis là, tu voulais comprendre. Puis là, tu m'as harcelé pour que je t'explique. Puis ça a resté quelques milliers d'années. Tu comprends? Et à travers cela, lentement, je t'entraîne avec moi dans mon sillon. Ce qui fait que vers où je vais, toi, t'as pas nécessairement d'intérêt. Même si en même temps, vu l'expérience que t'as du cheminement, tu en déduis... ça vaut la peine. Mais l'expérience te fait dire aussi, écoute, même si je comprends pas, j'y vais. Fait qu'on peut-tu parler d'autres choses? Tu comprends? Mais il y a du monde à côté de toi qui, eux autres, ont aussi un cheminement qui ressemble au mien et qui, eux autres, sont des mécaniques D'ailleurs, tu as toujours aidé à travers les mécaniques ici à faire avancer les choses, mais il y a d'autres individus qui ont besoin de comprendre les mécaniques comme des savants pour être capables d'appliquer dans la matière et tous les types de matière, pas juste la matière atomique, dans la matière, d'appliquer les mécaniques pour permettre des changements de structure, des changements de vision, des changements de concept, des changements de monde. Donc, c'est pourquoi tu me poses toujours des questions. Bon, moi, je te parle de quelque chose là qui va intéresser certaines personnes. Et ce qui est important, c'est que même toi, tu as besoin de comprendre pour être capable de passer, mais c'est évident que tu n'auras pas nécessairement le même engouement. Comme par exemple, piloter l'avion, ça ne t'intéresse pas. Si tu t'intéresses, je trouve un bon pilote, Tori, on va aller manger nos hot-buggers en arrière. T'as pas tort. Mais il faut qu'on informe les pilotes. Si le pilote ne sait pas comment ça marche, les affaires, il y a des chances que... Fait comme ça, ça prenne vite. Je peux relaxer et puis me casser la tête. Non, et tous les gens non plus, parce que ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, veut, veut pas, on parle du futur, regardez ce qui arrive. Il y a de plus en plus ce que j'appelle des réincarnations du futur qui se font dans la conscience des gens du 20e siècle. Ça veut dire que de plus en plus, il y a des gens qui ont le mal de l'avenir. Ils n'aiment pas le présent. Ils se détachent de plus en plus du passé. Le bon vieux temps, puis certaines époques, là, en, visiter peut-être, mais rester, pas évident. Il y a des gens qui, de plus en plus, intelligencient les choses. Ça veut dire, c'est quoi intelligencer? Ça veut dire être capable de constater le manque d'intelligence dans une situation ou l'intelligence dans une situation. Être capable d'observer le monde en fonction de l'intelligence. Il y a des gens qui en ont ras-le-bol. À un moment donné, bon, on a découvert encore le corps d'une jeune fille de 10 ans dans un container. Bon. Il y a du monde qui... ils en auront le bol. Et ils ne sont pas déprimés nécessairement. Ils peuvent évidemment être altérés émotivement parce qu'ils n'ont pas assez de préparation, mais c'est pas mon monde. OK, tu es dedans, ça va, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Bon, vous vous engueulez avec votre conjoint, pas votre vie, c'est pas ça, c'est pas ça. Bon, c'est pas ça. Et là, ce qui arrive, c'est que ces personnes-là, ils se font miner. Donc, par des mémoires qui viennent justement d'un monde où ça, ça ne se vit pas. Et c'est là qu'Annie va dire, oui, mais d'un coup que c'est juste dû, ça, c'est la belle stratégie pour qu'on fasse rien. On a fait ça à Christophe Colomb, on a fait ça à un paquet d'autres mondes, d'un coup que si, mais finalement, tu sais, bon. Mais l'expérience ne nous enseigne rien. De toute façon, j'ai toujours dit, de l'histoire, on apprend qu'on n'apprend rien de l'histoire. Bon. De plus en plus, les réincarnations, ces chatouillements-là qui viennent du futur, réveillent chez certaines personnes des mémoires. Ces mémoires réveillées-là font en sorte que les gens sont obligés d'avancer, c'est-à-dire de devenir conscients. Autrement dit, ils ont subitement un instructeur personnel, quelque chose qui les réveille, qui leur fait prendre conscience. Puis, prendre conscience, ça veut dire pas apprendre. Personne n'apprend pas des choses. Elle en apprend. Mais à travers ce qu'elle apprend, elle en comprend. À travers ce qu'elle en comprend, elle en conscientise. Ça lui appartient. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous lisez une phrase extraordinaire, vous la comprenez tellement bien qu'après ça, quand vous la répétez, vous ne dites pas la source. « Ah, ben Krishnamurti a dit... » Non, non. Tu comprends ce qu'il a dit? Oui. D'accord avec ce qu'il a dit? Oui. Ça te plaît? Oui. Donc, tu le vibres? Oui. Mais quand tu le dis, c'est toi qui le dis. Pas Krishnamurti. Tu sais, il n'y a pas un monopole sur ce qui se passe. Même chose pour Daniel Kim ou pour n'importe qui. L'humain doit se libérer. Mais là, il arrive à un moment donné que tu vas devoir vivre des mutations, des bottages de fesses, tu vas vivre des crises. Tu vas vivre des obligations de changer, tu vas vivre des dépressions, tu vas vivre des tabernacisations, tu vas vivre des des écœurements d'être écœuré. Bon. Et pourquoi tout ça? Uniquement parce que vous vous faites tirer vers un avenir particulier qui probablement va bien et vous vous êtes complètement arrêté d'aller vers cet avenir-là par l'avenir de l'humanité en général. Remarquez que toutes les gens qui n'étaient pas de leur temps ont été considérés comme fous. Comme ça, si tu me prends pour un fou, tu sauras que je ne suis pas de mon temps. Ça va aller avec ce que je dis. Bon. Est-ce que le contraire est vrai? Si tu ne me prends pas pour un fou, ça veut dire que j'en suis un? Non. Quelqu'un qui est de son temps est fou. Eh boy, je ne réponds pas à ce genre de questions. Non. Quelqu'un qui est de son temps, il est chanceux. Bon. 1994, il y a, à partir d'ici, comme il y a toujours eu, des futurs possibles. Ces futurs possibles-là, ici, ce sont des futurs où vivent des êtres humains. Et ça, encore une fois, ça va échapper à Annie. Bon. Puis Annie est représentative d'une partie de la population mondiale. Est-ce que je suis montant? Bon, mais là-dessus, là... Oui. N'interromps pas mon silence! Vous arrivez devant une fourche, donc il y a deux chemins. Logique. Ah, juste deux, c'est pas pire. Et... prenez-vous à gauche ou à droite. Il y a deux futurs. Vous allez sentir les deux vous attirer. Les deux vont vous engouffrer. Alors, évidemment, dépendamment de votre passé, dépendamment de comment vous êtes conçu, et là, je saute un paquet de détails, je dis, oh, tu es à gauche, oh, tu es à droite, je ne sais pas trop. Vous avez deux emplois, lequel je prends, là? Les deux futurs, vous allez voir. Ça tire des bords et de l'autre. Et si vous dites, je prends celui-là. Vous savez ce que vous venez de faire? Vous venez de tuer tous ceux qui vivent de l'autre futur. Et là, si vous dites, ah ben ouais, si j'aurais pris l'autre, bien là, vous venez de tuer tous ceux qui vivent. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans votre chemin, puis ça encore, ça fait partie de l'irréalité pour la majorité des humains. Mais tout ça, c'est des morts dans l'imaginaire. Non. Si vous prenez à gauche, il va se passer tout un paquet d'événements en fonction de votre prise à gauche. Si vous prenez à droite, il se passe aussi ces deux futurs. L'humain a réglé ça en disant, c'est parce que de toute façon, c'est là que je devais aller. Et non. Et oui. Et non. Une chose est certaine, c'est que les deux existent tant que tu n'as pas pris de décision. Et la lutte entre les deux futurs va faire en sorte que tu ne prendras pas de décision. Mais l'affaire qu'il y a, c'est que tu avances dans le temps. Alors, tu dois prendre un des deux chemins. L'humain n'est pas conçu pour prendre des décisions. On l'arnaque. Et à un moment donné, bien, il tombe dans un des deux chemins. Et automatiquement, l'autre futur possible n'a jamais existé. Pour l'être humain, s'il n'a jamais existé, ça veut dire que même avant, il n'existait pas. Et ce n'est pas ça. Puis là, je sais pas, c'est sûr que c'est très gros. C'est bon, mais ça a fait travailler quelques neurones, quelques cellules gliales, puis bon, c'est pas mauvais quand même. Quand on parle de futur possible, c'est la même chose ici. À un moment donné, il y a un futur, une saveur. Dans cette saveur, il y a des milliards de futurs possibles, mais ils ont la même saveur. Dans cette saveur ici, au niveau du futur, il y a des êtres dans une société, dans des milliards de sociétés, on prend un des futurs possibles, il y a des êtres, des humains, qui vivent bien. On va en reparler de toute façon quand on va parler des prochaines conférences, là, de ce qui se passe dans ce genre de société-là. Ça va être intéressant, puis ça va réveiller chez vous probablement un maudit paquet de belles sensations. Il y a des gens qui, ça fait longtemps, qui ont des gustations d'eux, puis qui se les ferment. Apparemment, parce que ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi d'y goûter? Je n'irai pas là. Il faut voir que quelqu'un y aille, là. Hein? Mais là, ce qui arrive, c'est que c'est évident que les futurs se font des guerres. Je ne vous parle pas comme un bonhomme du 20e siècle. Je vous parle comme quelqu'un qui connaît les structures temporelles. Tout ce que l'humain a imaginé dans le passé est réalisable aujourd'hui. Un jour, certaines personnes, des fous, ont dit « on va voler dans les airs ». Un plus lourd que l'air va voler. Voyons donc, faut-tu être un peu épais? Finalement, ça vole. On a des bateaux. Imaginez simplement la première fois que les voiliers ont été attaqués par un bateau à turbine. Tu sais, ça n'a même pas de voile, c'est rien. Faites juste imaginer, Première Guerre mondiale, ils ont leurs avions à hélice. Vous arrivez à côté avec un F-14 Tomcat. Bon, avec ça, vous sortez ça, c'est à peu près 10 fois plus gros que les leurs. Le spécialiste de l'aviation d'époque va sortir en disant, « Ça vole! Tu vas à grosseur? » Et il regarde comme il faut. Il n'y a même pas d'hélice. C'est l'avion réaction. Bien évident. Mais laissez-le décoller. Laissez-le décoller. Vous allez voir, quand il passe à côté des autres vont s'en aller de même, là. C'est ce qui va arriver. Il lance un missile, l'avion est là-bas. Il tire son missile, le missile s'en va. Il fait ça, il tourne, l'avion fait une loupe, le missile le suit, puis il descend. Essayez d'expliquer ça au gars, là. Il y avait du vent en tabarouette. Non, ça juste aux époques. Il faut comprendre, les sous-marins, les scaphandres autonomes, on est allés sur la Lune. Vous autres, là, en tout cas, mais quelques-uns, ils ont laissé des traces et des mégots de cigarettes. C'était pas allumé, par exemple, ils n'ont pas pu, tu sais. Bon. Tout est faisable et ça se fait. Aujourd'hui, on opère avec des lasers. Mais y a les premiers qui ont pensé au laser, qui ont imaginé l'idée du laser, n'ont pas imaginé ça comme une arme. Et leur rêve se réalise. Sauf qu'évidemment, on veut s'en servir aussi comme une arme, parce qu'il y a toujours des futurs possibles qui attirent. On est un mélange. À partir d'une certaine époque, si l'humanité prend un choix d'un futur possible, ça fait en sorte que tous les autres futurs possibles n'ont jamais existé. Et c'est ce qui fait en sorte que l'humain a inconsciemment une peur morbide des avenirs. Du futur. Vous le connaître. Mais même les futurs qu'on vous prévoit peuvent ne pas arriver. Et les cartomanciens et les autres ne se sont pas trompés. Ils vous ont prévu un futur. Mais il y a l'intervention de l'intelligence, il y a l'intervention du futur de d'autres, tellement de petites choses qui font en sorte qu'on peut bifurquer. Si l'humanité prend un choix particulier, et elle est alignée pour prendre ce choix, qui est une saveur particulière, ce futur-là ici n'aura jamais existé. Là où on aimerait aller. Et c'est ce qui fait en sorte que dans certaines personnes, l'idée de « Tu sais, oui, mais moi, je vois tout ça, je crois à ça, j'aime ça. » Mais, tu sais, mais qui nous dit que ça va arriver? Justement, quelque part, tu sais, il semble pas. Pour moi, on fait juste rêver. Mais ce qui arrive, c'est que de ces années-là du futur, qui est assez lointain, de ces années-là, les gens vivent. Il y a envie partout. Dans des mondes de guerre, dans des mondes de transition, il y a envie partout. Et tous ces peuples-là veulent que nous autres, on prenne leur chemin. Et ça, est-ce qu'il faut absolument faire bifurquer toute l'humanité pour avoir le futur qu'on veut? Alors, de ces personnes-là ici, de ces sociétés-là, de cette saveur-là, de ces milliards de sociétés-là, bien, il y a des individus qui ont trouvé la façon de voyager à travers le temps, c'est pas les seuls d'ailleurs, et ils cheminent jusqu'à la fin du 20e siècle. C'est là que les corps physiques sont les plus consistants à travers l'histoire, leur histoire, et c'est là surtout que les bifurcations, que la grande bifurcation va se faire vers la fin du 20e siècle. Donc, c'est avant la bifurcation qu'il faut aller. Ces individus-là reviennent donc au début du 20e siècle et viennent voir grand-papa et grand-maman. Et viennent simplement leur jaser, leur parler. Et ces individus-là, qui sont-ils? Eh bien, ce sont simplement vos descendants. et par réincarnation, à travers certaines époques, ce sont vous-mêmes. Et vous-même, qu'est-ce que vous faites? Bien, vous-même, vous aimeriez vivre là. Alors, vous décidez de revenir ici pour préparer vous-même là, en 1994. Évidemment, toute une échelle de temps. Ça va même jusque plus loin dans le passé, dans certains cas, pour les préparations. De façon à ce que ces personnages-là soient capables, progressivement, d'engendrer une dynamique qui va permettre, probablement, la récupération de ces individus-là ici pour les amener à travers le temps, quelque part, où psycho-émotivement et physiquement, ils vont pouvoir s'adapter. Et une fois que ça s'est fait, ça veut dire que si l'humanité bifurque ici, bien, le contact temporel qui manque ici est réalisé par le voyage dans le temps, puis ça, ici, ça va exister. Ça veut dire nécessairement qu'on se fout royalement de savoir si les autres auront une apocalypse ou pas. Ça ne changera rien pour ceux qui, finalement, vont vivre une apothéose. Alors donc, si... C'est fou, hein? C'est fou, hein? Si ceux qui sont en haut... Ben, en haut, c'est pas... Oui, OK, en haut, c'est la feuille, là. Ils sont là, là. S'ils sont là, ils sont capables de venir, mais le fait qu'ils soient là, qu'ils existent, alors ça veut dire que c'est réglé. Je vois pas pourquoi ils ont à revenir en bas. C'est réglé, ils sont là. Je vais recommencer. Présentement, les futurs sont possibles. Donc, ils sont tous là. Quand l'humanité va avoir fait son choix, ces futurs-là n'auront jamais existé. Mais ça revient. Donc, sauf évidemment, si dans des futurs, tu reviens au 20e siècle, ramasser tes ancêtres, bien sûr que tant que tu veux, ce futur-là existe à partir du 20e siècle et non pas à partir de sa fin. Mais pourquoi venir et pourquoi ne pas prendre les gens? Il faut que les gens comprennent. Moi, je sais très bien, l'histoire démontre, quand on étudie les livres, que les humains du 21e siècle en descendant sont des êtres humains qui ne veulent pas être bien, qui ne veulent pas être heureux, qui ne veulent pas être en santé, qui ne veulent pas vivre, qui ne veulent pas avoir du plaisir, qui sont des êtres auto-détruits. Bon, c'est comme ça. Alors, nécessairement, tu ne peux pas venir chercher des êtres qui s'auto-détruisent, les amener dans un endroit où ça ne se vit pas, ils vont mourir tout de suite. Il faut donc qu'au départ, les êtres humains qui ont les capacités psychophysiques de comprendre les mécaniques de paix, d'harmonie, d'amour, de santé, soient formés pour créer justement une mémoire tampon, pour créer quelque chose qui va faire en sorte que devant un certain choc, ils vont être capables de l'absorber. Quand je dis que les gens ne veulent pas être heureux, bien, observez simplement vos vies, tout le monde, vous allez vous rendre compte que vous faites tout ce qu'il faut pour ne pas vous en sortir. Il y a des gens qui ont de l'ego qui vont nous dire « Ben non, voyons donc, moi, je suis depuis des années que je vais tout m'en sortir. » Non, parce que le moindrement que tu as une occasion de faire croche, tu le fais. Le moindrement que tu peux te mettre les pieds dans un plat, t'embarques. Le moindrement. Je sais, l'humain est manipulé, mais ce que je veux dire, c'est que l'être humain est construit pour s'anéantir. Il le fait par la guerre, par la drogue, par la surconsommation, par la distraction, par tout ce qu'il crée. Bon, c'est votre anniversaire de naissance, un beau gâteau plein de sucre. On fait tout pour s'anéantir. Et nécessairement, ces êtres humains-là, il y en a qui ont de la conscience, il y a une lumière à l'intérieur d'eux, il y a une flamme à l'intérieur d'eux. Sauf que ces personnes-là doivent être suffisamment dynamisées, préparées à être capables de se dire que, quelle que soit la façon dont vit la tradition, c'est-à-dire le monde au 20e siècle, c'est pas ça que moi je veux. Quand ça s'est décidé, ça veut dire que l'individu commence à entrer dans une dynamique pour atterrir quelque chose de bien. Ça veut dire au départ que l'individu commence, par exemple, par s'occuper d'elle. Vous avez une carie, allez chez le dentiste. Ah oui, mais vous voulez avoir des caries. Mais non, j'en veux pas. Mais va chez le dentiste. Oui, mais tu veux une carie de bord. Il faut que les gens soient capables d'entrer dans une dynamique où la personne se dit, écoute, c'est vrai, je vais essayer de tout faire ce qu'il faut pour me diriger vers ce que moi, je vise comme futur, comme saveur. Puis l'individu ne doit pas dire, oui, mais tu sais, les autres ne voudront pas. On s'en fout des autres. C'est évident qu'ils voudront pas. Il n'y en a pas un seul qui va avoir un miroir en avant de lui. Bon, c'est évident, ça. Sauf que la personne doit comprendre que plus elle va démarcher vers la paix, la tranquillité, la sérénité, la conscience. Je ne parle pas d'une sérénité dans un monastère où tu ne vois rien de ce qui se passe dans le monde, là. Tu attends la fin de l'inutile. C'est pas ça que je parle. L'être humain doit vivre, être bien, être un exemple. Ça fait partie des choses qui se développent à un moment donné. Vous êtes libéré ou vous êtes désinhibé. Un jour, il y a des êtres qui ont essayé de rencontrer des êtres humains qui avaient une certaine flamme dans leur cœur et de les réveiller à un monde mieux, un monde plus parfait, un monde de paix et d'amour. Et la problématique, c'est que c'était juste trop loin dans le temps. Ça a engendré le mouvement hippie. Ça a failli, au niveau de l'humanité, être une chose extraordinairement géniale. Et l'astral s'en est mêlé, on a rentré tout ce qu'on a pu là-dedans. Ça a failli. Les gens vivaient dans des dômes. On va en parler de façon à la prochaine conférence. Les gens mangeaient mieux, les gens vivaient mieux. Mais lentement, lentement, parce que les gens étaient insuffisamment préparés au niveau de la conscience, au lieu de cheminer là-dedans avec de l'intelligence, ils ont cheminé là-dedans avec de la spiritualité. Je n'ai rien contre la spiritualité. C'est un carburant utile. Mais à un moment donné, rendu à un certain niveau, de moteur à réaction ordinaire, il faut que tu passes en mode fusée. Il n'y a plus assez d'oxygène. Ton carburant ne servira plus. On doit changer. L'être humain doit comprendre que toute cette démarche d'ascension, il doit la préparer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez conscientiser que vous êtes mal pris. Puis quand je parle mal pris, ça veut dire que vous êtes enfermé. Ça vous est déjà arrivé de vouloir simplement dire à quelqu'un que vous le trouviez beau, même si vous ne le connaissiez pas. Ou de vouloir offrir quelque chose, de vouloir toucher quelqu'un. Vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce que ça serait bien trop correct. C'est-à-dire que là, vous pourriez vous alimenter énergétiquement de ce qu'on appelle pu à l'époque, mais ce qu'on appelle ici l'amour. Vous pourriez être capable d'avoir des sentiments et d'être libre dedans, pas libéré. Alors, vous allez avoir deux solutions. Vous ne pourrez pas, ou vous allez finir par surmonter la problématique de l'inhibition, mais là, vous n'aurez pas d'intelligence et vous allez devenir des êtres libérés. C'est-à-dire que vous allez le toucher en disant « il n'y a rien là ». Et nécessairement, vous allez violer le respect de l'autre, violer son espace vital, vous descendez. Et le gros du problème là-dedans, c'est que plus les gens se conscientisent, plus apparemment ils deviennent sauvages. Ils ne sont pas sauvages. Ils deviennent intelligents. Et nécessairement, ils ont besoin de gens intelligents pour vivre. Et les gens intelligents avec qui ils ont besoin de vivre sont des gens qui sont capables de comprendre dans l'instantané. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va arriver près de vous, qui va vouloir prendre, par exemple, vos mitaines pour aller sortir ses vidanges, et vous êtes un invité dans la maison, eh bien, il ne prendra pas les mitaines. Il va vous demander s'il peut prendre les mitaines. Et en plus, si vous dites non, il vous autorise à dire non. Alors que dans le mode actuel, on va essayer de copier les visions de l'avenir et on va dire, c'est la politesse qui fait que tu y demandes. Ce n'est pas la politesse qui fait que tu y demandes. C'est l'intelligence qui fait que tu y demandes. Mais la politesse va faire en sorte que vu que tu y as demandé poliment, l'autre est obligé de dire oui. Parce que si l'autre dit non, bien là, ça vous insulte. Mais dans l'intelligence, j'y demande. S'il dit non, j'y demande pourquoi? Parce que je veux savoir si c'est non ou si c'est oui. Donc, j'autorise les deux versions. Plus l'humain va comprendre cette mécanique, puis plus l'humain va vivre ces choses-là, plus l'humain va être capable de recevoir de l'information provenant de lui dans une autre adresse temporelle. Ça veut dire que... Ça fait quoi? Ça fait en sorte que vous allez avoir le meilleur des instructeurs, vous allez avoir vous-même qui, regardant votre passé, vous allez dire, ça là, c'est un problème, ça, il ne faut plus le faire, c'est pas ça, on lâche ça. Puis là, vous allez être capable de commencer à écouter. Ça ne parlera pas dans votre tête, allô, allô, Daniel, 1, 2, 1, 2, m'entends-tu? C'est pas ça que ça va faire. Mais vous allez savoir que si... Vous allez justement vous écouter. Mais le problème, c'est que l'être humain doit comprendre suffisamment les mécaniques pour ne pas projeter dans des visions trop spiritualisées ce qui lui arrive. La mémoire du passé est un contact avec le présent. N'importe quel astrophysicien ne peut pas nier ce que je dis. Il ne dira pas oui, parce qu'il n'est pas bâti pour accepter ce genre de phénomène. Mais il sait très bien que le passé ne peut pas exister. S'il existe, c'est qu'il existe tout de suite. Donc, le passé est immédiat. Le futur, s'il existe tout de suite. Et comme on se rend compte qu'on démarche d'une adresse temporelle vers une autre, bien, c'est évident que tout ça est là en même temps. Il faut absolument que l'humain arrive à conscientiser cela pour être capable d'asseoir son énergie sur une nouvelle assiette énergétique. C'est sûr que pour plusieurs, ça va rester un concept, mais un concept qui va vous permettre, comme les anciens concepts à l'époque, d'avancer, d'expliquer des choses, d'ajuster des mécaniques, d'y aller. Savez-vous ce que c'est que l'électricité? Des petits électrons qui poussent d'autres électrons à travers des conducteurs. Bon. Ça fait fonctionner tout. Ça nous éclaire. Ça nous joue de la musique, des orchestres symphoniques. Pas d'automobile, pas d'avion, pas de tracteur, pas rien, ça n'a pas ça. Ça nous fait cuire nos aliments. Ça fait tout. Ça ramasse la poussière. Tout. Retournons vers 100 années. Parlons-en d'électricité au monde qui sont là. C'est simple. Moi, je prends un truc avec un fil, je mets ça là-dedans, pouks, lumière. Le gars, il va clic. Il va essayer de voir ce qui sort de là. Il n'y a rien. Là, on va dire c'est du jus. Il va essayer d'en boire. Voilà la langue noire. Non, mais comprenez l'idée. Pour nous, c'est niaiseux, mais c'est la même chose. Il faut être capable de s'ouvrir à l'impossible. Bon, je prends mon même petit maudit fil, mets ça là-dedans. Je prends une petite assiette, là, mets ça là. Cling, cling, cling. L'Orchestre symphonique de Montréal au complet, en stéréophonie ou en quadraphonie. On va être dans mon ami. Assieds-toi là. Veux-tu un peu plus de son? On monte à distance. Tic, tic, tic, tic, tic, tic. Ouais, c'est de la lumière. C'est de la lumière. C'est de l'infrarouge. C'est tic, tic, tic, tic, tic, tic. Ah ouais, change de canal. Et on veut-tu un autre? On va revenir. On met ça en loupe. L'électricité. Ah, pas de bordel de bon sens. Là, il rentre dans sa cabane chauffée au charbon. Tu t'allumes ton petit thermostat là, ta chambre, l'autre en bas là. Quand c'est pas programmé pour œuf, bon. C'est banal. Mais, v'là 100 années, vous êtes tous en prison ou à l'asile. Vous êtes des démons. C'est très, très, très important que les personnes comprennent que le futur, que leur futur est là. Et pour ça, on doit y aller. Et pour y aller actuellement, la démarche, puis ça, on n'a pas beaucoup de temps pour en parler. De toute façon, bon, on pourra revenir là-dessus à travers l'année. Ce qui est important, la préparation. Préparation veut dire connaître. Connaître veut dire être énergétiquement, c'est des termes, bon, mais ajusté à ce monde. Ça veut dire, êtes-vous capable, de temps en temps, de cesser de douter qu'un monde pacifique peut exister? C'est pas parce que l'histoire qui se répète en n'a pas fabriqué qu'un avenir neuf ne peut pas en fabriquer. C'est sûr que si on va dans le même moule au niveau futur, il n'y en aura pas plus. Une société intelligente, cohérente, humaine, ça peut exister. Sauf que on ne veut pas. C'est sûr, l'humain n'est pas construit pour vouloir être bien. Au mieux, il ne veut pas être plus mal. Mais il ne veut pas être mieux. Il joue entre les deux. Sauf que quelque part, il y a des flammes. Pour qu'à un moment donné, les personnes puissent avoir l'information, avoir le contact, avoir l'aide, sinon même avoir carrément le transport, les individus doivent être des individus qui vont devenir des centres de gravité. Un centre de gravité, ça veut dire que vous devez être des individus qui allaient ressembler de plus en plus à des êtres perdus au 20e siècle. Perdus, pas perdus psychologiquement, mais à des êtres qui n'êtes pas dans votre temps. Ça veut dire quoi? Comme les hippies. Ça veut dire des êtres qui, à un moment donné, décident de vivre ensemble, de partager ce qu'ils ont. Les premiers, puis dans beaucoup de communes, et puis c'était parfait. Mais évidemment, la société s'en est mêlée. Les gens n'étaient pas suffisamment conscients des mécaniques contre eux pour établir des mécaniques de protection. Mais ça allait bien. Les enfants étaient heureusement heureux. C'était correct. Bon, l'humain peut créer des choses, l'humain, même dans un contexte particulier. Savez-vous qui a désamorcé la guerre du Vietnam? Ce sont les hippies. Et les vieilles folles, avec les cheveux longs, puis les petites robes toutes minces, là, puis de la luzerne encore un peu dans le coin de la bouche, là. Puis les autres à barbe, là, les gars, voilà ma barbe avec un petit peu de mari pogné dedans, là. Bien, ils ont fait en sorte que Nixon a ramené ses troupes. C'est puissant, puissant, puissant, la paix. La problématique, c'est que quand la paix est laissée entre les mains de l'émotion, on se fait toujours avoir. D'où l'importance de comprendre des mécaniques, d'avancer. L'être humain qui sait, l'être humain qui est conscient, l'être humain qui comprend, peut appliquer des choses et réussir à les appliquer là où l'être humain qui croit, l'être humain qui a la foi, l'être humain qui a l'espoir, a essayé et a manqué. C'est très... À un moment donné, les gens me posaient la question dans un séminaire, si c'était simplement une question sur, y a-t-il des extraterrestres? Les prophéties disent que c'est Jésus qui va revenir ou que Dieu va venir nous chercher. D'autres disent que ce sont des extraterrestres qui vont venir nous sauver. Et patati patata. Il y a effectivement des êtres transtemporels, des personnages qui voyagent à travers le temps, qui vont probablement se pointer à un moment donné. Puis, comment on fait pour reconnaître les bons et les mauvais? C'est très simple, c'est vous autres, vous allez vous reconnaître, c'est bien banal. Encore une fois, pour l'humain, ça fait toute partie des choses qui ne se peuvent pas. Être terre à terre. Les Mayas, les Incas, ont attendu pendant longtemps que les dieux, les êtres blancs, voyageant sur des animaux fabuleux, viennent les sauver. Quand les Espagnols à cheval sont arrivés, les Incas auraient dû se sauver. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils sont morts. L'être humain doit être suffisamment lucide. Ce que les Incas ont prévu est arrivé à la mode traditionnelle. Ce que l'humain prévoit arrive. Jules Verne, à un moment donné, a fait écrit un livre qui s'appelle « 20 voyages autour de la Lune ». C'est un espèce de gros canon. Il met une capsule qui ressemble à une balle de fusil, puis pouf, il attire sur la Lune. Il tire ça de la pointe de la Floride. Selon lui, c'est la meilleure place. Cap Kennedy, Cap Canaveral va être construit là. Et aujourd'hui, on pense de plus en plus qu'on va lancer nos satellites par des canons magnétiques. C'est plus économique que par des fusées. Il y en a plein, plein, plein de choses qui font partie de l'illusion et puis qui, à un moment donné, deviennent réalité. Imaginez l'invention des verres de contact. On va aller vous foutre ta paire de lunettes, pouf, dans l'œil. Ça ne chauffera pas, on va dormir avec ça, ça va plus clair, pas de problème. Aujourd'hui, on prend un laser et on vient te sculpter un verre de contact sans cornée. Tu sais, il faut être fou. Vous avez déjà pris une puce d'ordinateur, un microprocesseur. Si quelqu'un, vous connaissez un ordinateur, là, vous le dévissez, 4-5 vis, vous avez une puce, c'est fun. Coupez ça avec une paire de ciseaux, vous allez voir. C'est noir dedans. Il n'y a rien. Et quand ils fabriquent ça, eux autres, là, ils coupent une rangée d'atomes, une deuxième rangée d'atomes. C'est par rangée d'atomes que c'est fait. Les atomes. Rangée. L'humain doit être capable d'orienter tout. Vous allez être mauditement mieux. Pas tout de suite. Mais de toute façon, chaque fois que vous êtes bien, c'est quand ça ressemble à ça. Alors, autant mettre toutes ces énergies dans ce que ça ressemble, dans cette saveur. Orienter sa saveur humaine, sa saveur de vie vers ce qui amène la paix, ce qui amène l'intelligence. nécessairement c'est vers la technologie, nécessairement c'est vers la science, nécessairement c'est vers le futur. Et quand je parle de futur, je ne parle pas d'une réplique du passé. Je ne parle pas d'une continuité progressive du présent. Je parle de neuf. On a sur la Terre toute l'infrastructure nécessaire pour que toute l'humanité soit bien. Il y a un problème, l'humain. Évidemment, éliminer l'humain pour pouvoir nous avoir la paix, pour pouvoir rendre l'humain correct, c'est un problème, c'est bien évident. C'est faisable.